Et vous êtes toujours sur La Centrale, vous êtes en train d'écouter une composition de Benoît Boris qui capte la nuit toulousaine en ce moment et qui capte notamment les gens qui continuent à travailler dans la nuit toulousaine. Alors là, c'est un paysage ferroviaire. Il y a fait d'autres sons où on entend juste le son des roues de bicyclette, hein, des pédaliers, parce qu'il y a des livreurs qui courent dans tous les sens pour livrer des gens, pour livrer à manger. Voilà. Et on va continuer cette antenne. Là, on est toujours. Vous écoutez peut-être dans le futur sur l'antenne de fréquence Paris Pluriel en Ile-de-France, ou bien dans le présent sur l'écho des Garrigues à Montpellier, sur Radio MNE à Toulouse ou Pinode. L'écho des Garrigues, c'est à Montpellier. Radio MNE, c'est à Mulhouse, pas à Toulouse. Pinode également à Mulhouse. Radio Piquez à Brest, La Parole Errante à Montreuil, l'écho des Cabanes dans le Gers, Radio Campus France également. Et on est en train de discuter, alors on a discuté longuement de l'auto-organisation en ces temps de coronavirus et au-delà. Et on va continuer en fait en termes d'auto-organisation avec Aude qui va nous parler de revenus de confinement. Oui, enfin, je ne suis pas une experte en la matière, hein. Simplement je viens de lire l'article donc, qui est paru dans Jeff Clack tout récemment, que vous pouvez trouver sur le site de Jeff Clack, donc c'est www.jeffclack.org, et donc c'est un double article intitulé « Revenus de confinement maintenant » au sujet qui a été écrit notamment par Clap. Alors Clap, c'est un collectif qui, excusez-moi pour les bruits de page, c'est les chambres du travail autonome et précaire. Et ben, ce n'est pas pour rien si c'est en Italie qu'est partie cette revendication qui circule en ce moment en ligne. C'est une revendication qui est portée par des précaires, des intermittents, des intermittentes, auto-entrepreneurs et auto-entrepreneuses. Pas pour rien que ce soit en Italie, parce que comme vous le savez, ben, la crise sanitaire qui s'accompagne forcément, enfin qui est catalyseur d'une crise économique qui vient de loin, et je pense qu'on le rappelle depuis déjà un petit moment, elle creuse l'écart entre les mieux lotis et les plus précaires. Et ça fait qu'on est de plus en plus précaires. On l'a bien entendu tout à l'heure avec les brigades avec lesquelles on discutait à l'instant. Et forcément, cette situation d'urgence qui aggrave les inégalités, elle fait que y a cette revendication d'un revenu de confinement maintenant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que revendiquer ce revenu ? Je vais juste vous lire un tout petit extrait qui me semblait assez éclairant. Revendiquer un revenu de confinement signifie avant tout de prendre acte de la situation et d'affirmer un concept simple. Il est nécessaire d'acheminer de l'argent directement dans les poches des travailleuses et travailleurs, qu'ils soient salariés ou indépendants, associés ou saisonniers, qu'il s'agisse du travail au noir ou semi-déclaré. De quelle autre manière pourrait-elle s'en sortir sinon ? Toutes celles et ceux qui sont piégés dans du travail occasionnel ou dont les contrats ne reflètent pas les heures effectivement travaillées, il est nécessaire d'imaginer et de revendiquer des mesures universelles qui aillent dans le sens inverse de la segmentation, revenus de confinement et sécurité sociale pour toutes et tous. Il est aussi nécessaire d'articuler d'autres batailles fondamentales autour de cette revendication centrale. L'arrêt des crédits, des loyers et des charges, la suppression du paiement des impôts et des taxes comme la TVA, l'arrêt immédiat des licenciements, la mise en place d'une aide extraordinaire pour le soin des personnes âgées et fragiles, des congés parentaux extraordinaires payés à 100%, l'arrêt immédiat du recours aux congés payés comme compensation, et là je mets juste une parenthèse, mais on l'a vu par rapport, ça aussi, hein, le droit du travail en ce moment il est confiné, puisqu'il y a depuis le 25 mars, toute une série d'ordonnances, qui sont passées, dont trois qui ciblent le droit du travail, et parmi celles-ci, on a aussi on a eu une espèce de flou sur poser vos congés payés pendant cette période, alors que les salariés qui se sont mis en télétravail ou qui se sont arrêtés pouvaient tout simplement bénéficier du chômage partiel. Mais on sait qu'il y a eu un certain nombre de flous. Bon, je ferme ma parenthèse. Mais pour finir ce petit bout d'article et cette revendication, de l'argent. Je continue. De l'argent, il y en a et il y en a toujours eu. Il faut un investissement audacieux pour financer cette mesure et toutes les mesures de redistribution dont nous aurons besoin. Que celles et ceux qui ont amassé durant toutes ces années, sur le dos du travail sous-payé et sans droit, grâce à la spéculation financière et à une fiscalité régressive, rendent une partie de leur richesse. Car c'est une richesse commune produite collectivement, mais réappropriée par des individus et qui doit être urgemment rendue à la société pour son bien-être et sa santé. Voilà, vous pouvez lire la totalité de l'article sur Jeff Clack, Revenu de confinement maintenant. C'est un article qui a été traduit de l'italien par Kabiria Chomel et Lucille Dumont et qu'on peut retrouver donc en langue originale sur dynamopresse.it. Voilà, sur le côté revenu de confinement, je ne sais pas. Moi, je vais peut-être juste compléter sur la question de l'auto-organisation, juste finir sur. On avait parlé la semaine dernière de la grève des loyers. Qui continue et qui s'étend et qui devient d'autant plus pressante que ça y est, le loyer d'avril, le précédent loyer, il est dû. Alors juste pour revenir, il y a un compte Twitter c'est le compte 2020 grève, et en fait c'est grève des loyers, et qui relaye notamment des nouvelles assez réjouissantes à Toulouse, qu'il y a des locataires qui se sont manifestés pour entrer dans la grève auprès de plein d'agences différentes, alors les agences Foncia, Altea, Atrium, Rotecozo, D Immobilier, Bonnefoy, Century 21, Patrimenco, Soprime, Citya, tout ce monde-là a reçu des préavis de grève de loyer. Et également sur ce compte, il y a un relais toujours à l'initiative de On ne paye plus 31, donc le comité toulousain pour la grève des loyers. Ils ont un compte Facebook qui s'appelle On ne paye plus 31, également un compte Telegram On ne paye plus 31. Et ils mettent des éléments très concrets en fait sur comment mener une grève des loyers, ne pas le faire de façon isolée, mais par exemple une des possibilités, disent-ils et elles, pour retarder les procédures d'expulsion, c'est de payer une toute petite partie du loyer, genre 10%, ou bien les personnes qui ont droit aux APL peuvent par exemple ne verser que celle-ci. Ce qui évite que la CAF nous demande de rembourser après. Et le document est assez long, mais je vous renvoie donc au site que j'ai dit à l'instant pour des infos vraiment super pratiques sur la grève des loyers, et on pourra prendre le temps davantage de développer ça sur une prochaine antenne, parce que comme la semaine dernière, même si on a pris deux fois plus de temps, on est toujours à la bourre.